السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous voici entrés dans le mois béni de Ramadan, qui est le mois du Coran, car c'est en ce mois qu'il fut révélé. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » dans le sens rapproché du verset, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Tout d'abord, nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis d'atteindre ce mois béni de Ramadan. Nous nous demandons également de nous compter parmi ceux qui jeûnent avec foi et qui espèrent sa récompense. Nous allons bi'idhnillahi ta'ala tout au long de ce mois béni, lire et étudier un épître d'un des plus grands savants de l'islam, qui est le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Cet épître s'intitule « Fada'ilul Qur'an »« Les mérites du Qur'an ». Dans cet épître, le Cheikh rahmahullah adopte une méthodologie qu'il a l'habitude d'utiliser pour ses différents ouvrages. Il cite le chapitre, puis il se suffit de rapporter les versets et les ahadiths en concordance avec le chapitre. Ceci dans le but de rattacher les gens aux preuves, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En espérant tirer profit de ces assises, on demande à Allah Azza wa Jal de nous assister, de nous octroyer la réussite et de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah, puis suivent ce qu'elle contient. L'auteur du livre commence et dit « Bismillahir Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. » L'auteur du livre commence avec la basmala, qui est la parole « Bismillahir Rahmanir Rahim ». Ceci en prenant exemple sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur du livre a dit Babu fada'il tilawati al-Qur'an wa ta'allumihi wa ta'limihi. Chapitre des mérites de la récitation du Qur'an, de son étude et de son enseignement. وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dans le sens rapproché du verset, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate Al-Mujadala, verset 11. À travers ce verset, nous voyons le mérite des gens de science et de ceux qui étudient la science. Et nul doute que la meilleure des sciences est la science du Coran. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, l'exégète, a dit en commentaire de ce verset, Allah élève ceux qui ont cru sur ceux qui n'ont pas cru. Et il élève parmi les croyants ceux qui ont reçu la science à ceux qui ne l'ont pas reçue. De même, l'imam Al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire de ce verset, il y a dans ce verset la mise en avant des mérites de la science. قال المؤلف رحمه الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Dans le sens du verset, il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire aux gens « Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah », mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Sourate Ali Imran, verset 79. Tout d'abord, dans ce verset, il y a une réfutation aux chrétiens qui ont prétendu que le prophète Isa alayhi salam les a appelés à l'adorer en dehors d'Allah. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire de ce verset, dans le passage « Devenez des savants obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez », c'est-à-dire « Soyez des savants, des sages, des enseignants, des éducateurs, ceux qui enseignent les petites sciences avant les grandes sciences, ceux qui mettent en pratique la science. » Nous voyons à travers ce verset les mérites de la science, de la pratique et de l'enseignement. L'auteur du livre a dit « وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أخرجاه. D'après Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui excelle dans la lecture du Coran sera avec les ambassadeurs nobles obéissants. Ce qui est voulu ici par les ambassadeurs nobles obéissants sont les anges. Et celui qui lit avec difficulté et contrainte aura deux récompenses. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le grand savant, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit en commentaire de ce hadith, ce qui est voulu de la lecture, c'est de mettre en application ces règles de lecture, tout en œuvrant en fonction du Coran et non pas une simple lecture. Nous voyons donc à travers ce hadith les mérites et récompenses de ceux qui lisent le Coran. L'auteur du livre continue, il dit, وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Dans le sens rapproché du verset, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire auprès d'Allah. Le grand savant, le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, dit en commentaire de ce hadith, les meilleurs des gens sont les gens du Coran, ceux qui l'apprennent, ceux qui l'enseignent aux gens et ceux qui le mettent en pratique. Nous voyons à travers ce hadith que les meilleurs des gens auprès d'Allah sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent aux autres. Cela comprend la mémorisation, la compréhension et la mise en pratique. L'auteur du livre a dit « Wa li muslimin an Abi Umama qal sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafihan li ashabihi iqra'u az-Zahrawayn al-Baqarata wa Surata Ali Imran فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان لصاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نبخي أبي أمامة radiyallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Lisez le Coran, car certes, il viendra le jour de la résurrection intercéder en la faveur des siens. Lisez les deux rayonnantes, Al-Baqara et Surat Ali Imran, car elles viendront le jour de la résurrection à l'image de deux nuages, ou à l'image de deux rayayatan, qui est Al-Rayayatan, c'est tous ceux qui ombragent la personne au-dessus de sa tête. Ou à l'image de deux troupes d'oiseaux alignées dans le ciel. Elles intercéderont pour ceux qui étaient avec ces deux sourates, c'est-à-dire Al-Baqara et Ali Imran. Lisez sourate Al-Baqara, car sa prise est une bénédiction et son délaissement est une amertume, un regret, et les sorciers ne peuvent pas lui résister. » Hadith rapporté par Muslim. Parmi les mérites de la lecture du Coran, de son apprentissage et de sa mise en application à travers ce hadith, le Coran intercédera en faveur des siens. Les deux rayonnantes qui sont Al-Baqara et Ali Imran viendront à l'image de deux nuages et intercéderont en la faveur des siens. La lecture de Sourate Al-Baqara est une bénédiction. Le fait de délaisser sa lecture est un regret. Et pour finir, les sorciers ne peuvent pas lui résister. C'est-à-dire, les sorciers ne peuvent pas résister à Surat Al-Baqara. L'auteur du livre a dit « وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نبقى عبد الله بن مسعود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura pour cela une bonne action. Et la bonne action est décuplée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Parmi les mérites de la récitation du Coran, celui qui lit une lettre aura une bonne action, qui sera multipliée par 10, comme nous l'avons vu dans ce hadith. L'auteur du livre a dit: وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. D'après عبد الله بن عمرو, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: on dira au lecteur du Coran, récite et élève-toi en degré et récite-le comme tu le récitais dans ce bas monde, car ta demeure sera là où tu réciteras ton dernier verset. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Parmi les mérites de la récitation du Coran, de son apprentissage et de sa mise en application, le degré de la personne au paradis sera en fonction du dernier verset qu'il lira. D'ailleurs, le noble Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, dit en commentaire de ce hadith: ce qui est voulu par la lecture dans ce hadith, C'est une lecture qui doit être accompagnée de méditation, une lecture qui doit être accompagnée de méditation et de mise en pratique. L'auteur du livre a dit: Wali Ahmad Aïda an Buraïda Tamarfoua, ta'allamu surat al-Baqara, fadhakara mithla ma taqaddama fi sahih fi al-Baqarati wa Ali Imran, wa fih, wa inna al-Qur'an yalqa sahibahu yawm al-Qiyamah, حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أذمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واسعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. D'après Buraïda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Apprenez la sourate Al-Baqara. Et certes, le Coran rencontrera son compagnon le jour de la résurrection lorsque sa tombe se fendra. Il sera comme un homme pâle. Le compagnon lui dira: Me connais-tu? Il lui dira: Je ne te connais pas. Le compagnon lui dira une seconde fois: me connais-tu? Il lui dira: je ne te connais pas. Il lui dira alors: je suis ton compagnon le Coran, celui qui t'a assoiffé en pleine journée et t'a fait veiller la nuit. Certes, chaque commerçant est derrière son commerce et aujourd'hui tu es derrière tout commerce. On lui remettra le royaume dans sa main droite et l'éternité dans sa main gauche. On lui posera une couronne sur la tête et on vêtira ses parents de vêtements qu'on appelle Al-Hulla, qui ne sont pas comparables à ce qu'il y a dans ce bas monde. Ses parents diront: pourquoi nous a-t-on vêtis ainsi? On leur dira: car vos enfants apprenaient le Coran. Puis on dira à cet enfant: récite et élève-toi dans les degrés du paradis. Il ne cessera de s'élever tant qu'il lit, que sa récitation soit rapide ou lente. Hadith rapporté par Ahmed. On voit à travers ce hadith l'importance et le mérite de la lecture du Coran, l'importance de son apprentissage, de sa mise en pratique et de sa méditation. De même, on voit à travers ce hadith l'importance et le rôle des parents d'enseigner aux enfants le Coran. L'auteur du livre a dit: Wa an Anas anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Hadith rapporté par Ahmad et Nasa'i. Le grand savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith: ce qui est voulu par les gens du Coran, ce sont ceux qui ont mis le Coran en pratique et ont œuvré avec le Coran. Nous tirons de ce hadith que les gens du Coran sont les rapprochés d'Allah. Et les gens du Coran sont les privilégiés d'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi les gens du Coran. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit: Babu ma jaa fi taqdimi ahli al-Qur'an wa ikramihim. Chapitre de la mise en avant des gens du Coran et de les honorer. Wa kana al-qurra'u ashab majlis 'Umar kuhulan kanu aw shababa. L'auteur du livre a dit: les lecteurs du Coran, âgés ou jeunes, à l'époque des compagnons, étaient ceux qui s'asseyaient, dans les assises de Omar, radiallahu anhu. Nous retenons à travers ce récit que les gens du Coran attirent les bonnes fréquentations en général. L'auteur du livre a dit وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة وفي رواية سلمة ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que préside la prière du peuple le plus lecteur du livre d'Allah. S'ils sont égaux dans la lecture, ça sera alors celui qui est le plus savant dans la sunna. Et s'ils sont égaux dans la sunna, ça sera alors le premier à avoir accompli la hijra, qui est le fait d'immigrer et de délaisser une terre de mécréance pour une terre d'islam. Et s'ils sont égaux dans la hijra, ça sera alors le plus âgé, et dans une autre version, le plus ancien dans l'islam. Et qu'un homme ne dirige pas la prière d'un homme dans sa propriété, et qu'un homme ne s'assoie pas chez quelqu'un sans son autorisation. Nous voyons à travers ce hadith le mérite des gens du Coran, car ce sont ceux qui doivent être devancés pour diriger la prière, car ils sont plus lecteurs du livre d'Allah. Bien sûr, il faut que cette personne connaisse les règles de la prière. Nous retenons également qu'il n'est pas permis de diriger la prière chez autrui sans son autorisation, quand bien même la personne serait plus lecteur. Cependant, il appartient au propriétaire des lieux de devancer celui qui est le plus lecteur et plus savant que lui. De devancer celui qui est plus lecteur et plus savant que lui. De même, il n'est pas permis de s'asseoir chez autrui avant d'avoir eu l'autorisation de s'asseoir. L'auteur du livre continue, il dit وَلِلْ بُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ في قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. D'après Jabir, رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم, après la bataille de Uhud, enterrait les morts deux par deux dans le même linceul. Et ceci est dû au grand nombre de lecteurs tués parmi les compagnons lors de cette bataille. Puis lorsqu'il voulait les placer dans la tombe qu'on appelle Al-Lahd, il demandait lequel des deux avait le plus de Qur'an. Quand on lui indiquait celui qui avait le plus de Qur'an, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam le devançait dans la tombe. Nous voyons à travers ce hadith, ou ce récit, que même après la mort, pendant l'enterrement, les gens du Qur'an ont un mérite et sont devancés aux autres. Nous résumons dans ce chapitre que les gens du Coran ont des mérites sur les autres dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. On demande à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi les gens du Coran. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Bab wujub ta'allum al-Qur'an » وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. Chapitre de l'obligation d'apprendre le Coran, de chercher à le comprendre, de l'écouter attentivement et la dureté envers celui qui délaisse tout cela. وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. Dans le sens du verset, nous avons entouré de voiles leur cœur qui les empêche de comprendre le Coran et dans leurs oreilles et une lourdeur. Sourate Al-An'am, verset 25. Nous voyons à travers ce verset le résultat et les conséquences de ceux qui s'écartent et délaissent délibérément l'écoute, la compréhension et la mise en pratique du Coran. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وقال تعالى إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. Dans le sens rapproché du verset, les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Sourate Al-Anfal, verset 22. Ce qui est voulu par le mot bête ici, ce sont tous ceux qui marchent sur la surface, tous ceux qui marchent sur la surface de la terre. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, dit en commentaire de ce verset, les pires des bêtes auprès d'Allah sont les hommes qui ne tirent aucune utilité des signes, des versets et des avertissements. Ils sont sourds au point de ne pas vouloir entendre la vérité. Ils sont muets au point de ne pas vouloir proclamer cette vérité. Ils ne raisonnent pas ce qui est utile pour eux. Ceux-là sont les pires des bêtes auprès d'Allah. L'auteur du livre a dit « وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ » dans le sens rapproché du verset « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Sourate Taha, verset 124. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire mon livre, qui sert de rappel en le délaissant ou pire en le niant, mènera une vie pleine de gêne, c'est-à-dire sa rétribution sera de mener une vie pleine de gêne et d'amertume, ce qui sera un châtiment pour lui. Nous voyons à travers ces différents versets la menace sévère pour celui qui délaisse l'apprentissage, la lecture et la compréhension du Coran. Il est donc impératif d'apprendre et de mettre en pratique ce noble Coran et de ne pas être comme un entonnoir, c'est-à-dire d'entendre les injonctions et obligations du Coran et de ne pas prêter oreille par la suite. فنكتفي بهذا القدر. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. On demande à Allah de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah, puis suivent ce qu'elle contient. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.